peut-être qu'on peut enchaîner directement avec René Cresta et sur la question de l'autonomie. Et puis la discussion aussi. Je vous demanderai d'être un peu short. Non, il n'y a pas de souci, mais moi j'ai pris le temps au début, donc je regarde la prochaine. Ouais. Faut qu'on ait quand même le temps aussi d'un débat un peu là. Je te donne la parole. Merci, moi aussi. Je vous remercie pour cette invitation. Je suis ravi d'être là. Et donc, vous nous avez proposé de présenter en fait un ouvrage collectif qui est ici, là, sur les revendications et les mobilisations des étudiants, qui est sorti cette année. Et puis, tu m'as proposé de parler après Christophe. Et je pense qu'il y a plein de bonnes raisons de le faire. Je vais peut-être en citer deux en guise de propos introductifs. La première raison, c'est que ce livre en fait est le fruit d'un travail de jeunes chercheurs qui ont connu des discontinuités dans leur carrière, qui ne sont pas forcément encore titulaires, ne le sont pas encore, et qui, mine de rien, ont quand même réussi à faire un travail collectif avec aussi le soutien d'un groupe de recherche d'archivistes et d'historiens sur les mémoires étudiantes, sur cet objet qui n'est pas forcément très banal en histoire, en sciences politiques, en sociologie. C'est pas quelque chose qui correspond à un courant solidement institué dans le champ. Et donc voilà, ça, le but de cet ouvrage, c'est de faire un peu le bilan de tout ça. Il y a aussi donc des thèses qui ont été soutenues récemment par ces jeunes chercheurs qui sont sur le point de l'être. Donc cet ouvrage, c'est un peu l'occasion de faire un bilan argumenté et puis aussi assez esthétique, puisqu'il y a un cahier d'illustration dedans de tous ces travaux et sur les revendications et puis les mobilisations des étudiants. Je vais peut-être le faire passer et puis revenir à la deuxième raison, peut-être un peu plus essentielle. C'est qu'au fond, ce travail collectif permet un petit peu de faire le bilan sur la position qu'occupent les mouvements étudiants en général, les mobilisations étudiantes par rapport à la précarité et puis aux réformes dont tu as parlé, Christophe, dans le sens où, si on regarde à travers l'histoire, les positions des mouvements étudiants, des groupes étudiants, les mobilisations étudiantes, au fond, par rapport à ces réformes, c'est loin d'être continu. Il y avait pas mal de contradictions aussi. Je ne sais pas si c'est de la schizophrénie, dont tu parlais, mais mine de rien, on peut recenser peut-être trois types de positions par rapport à toutes ces réformes. La première, c'est que, mine de rien, dans certaines circonstances, autant le dire tout de suite, dans certaines circonstances, certains groupes étudiants, notamment au niveau national, peuvent alimenter ces mouvements de réforme, peuvent faire le jeu de ces réformes en participant à la production de nouvelles injonctions qui ont été un petit peu évoquées par Christophe précédemment. Vous avez par exemple une contribution dans l'ouvrage de Florence Yadaden sur le service civique où elle fait le constat certaines organisations de jeunes ont soutenu la mise en place du service civique pour promouvoir une autre conception de la citoyenneté des jeunes et des étudiants, peut-être en rupture avec ce qu'elle pouvait être auparavant qui relève à ses yeux peut-être d'un processus d'encadrement de l'engagement citoyen des jeunes, peut-être aussi un petit peu dépolitisé. Peut-être un autre exemple, c'est d'autres injonctions auxquelles font référence les contributions de Romain Villa et Vanessa Pinto. Tout ça, c'est dans la troisième partie qui renvoie un petit peu à ces ambivalences du mouvement étudiant, qui en fait état de façon vraiment, vraiment forte. Vanessa Pinto, Romain Villa vous explique que il y a des nouvelles organisations syndicales étudiantes qui participent à l'encouragement des prêts, par exemple, de l'endettement des étudiants qui voient quelque chose qu'il faut mettre en place. Vous avez aussi d'autres organisations étudiantes qui poussent au cumul d'activités pour les étudiants. Alors, c'est-à-dire qu'on étudie, mais en plus, il faut s'engager sur le plan associatif, mais aussi il faut également prendre un emploi, éventuellement se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, vous avez des organisations étudiantes qui poussent à ça et ça fait un petit peu... ça illustre un petit peu ce premier type de position du mouvement étudiant par rapport à ces réformes. C'est une position à travers l'histoire qui est quand même, mine de rien, assez minoritaire. Je reviens peut-être aux deux autres types de positions, compris ces mouvements-là à travers l'histoire. La première, bon, on le voit encore aujourd'hui avec la mobilisation en cours, c'est des postures et des pratiques de résistance à l'égard de certaines réformes qui sont mises en place. On voit que c'est quand même un groupe social qui est particulièrement mobilisé et qui l'a été en pas mal, mine de rien, notamment dans les années 2000. Et donc avec des oppositions systématiques à des réformes qui peuvent être de deux ordres, des réformes de nature universitaire. On l'a vu en 2007 avec la loi LRU, il y a eu un mouvement étudiant. Mais on voit aussi que c'est des mouvements qui peuvent résister qui peuvent s'opposer à des réformes d'ensemble qui font écho un petit peu à la situation universitaire comme on le voit aujourd'hui, et puis peut-être comme on a pu l'oublier un petit peu. Par exemple, en 2010, on a vu un mouvement étudiant sur les retraites qui est loin d'avoir été négligeable et qui était quand même assez symptomatique de cette tendance des mouvements étudiants à s'engager pour des causes qui ne les concernent pas forcément spécifiquement en premier abord. Troisième type de position, c'est que les mouvements étudiants sont aussi force de proposition. C'est ce qu'on montre dans le livre, j'y reviendrai ensuite, mais elles sont force de propositions, qui est des propositions qui se distinguent radicalement, mais de rien, j'y reviendrai peut-être dans le détail dans la discussion, mais qui se distinguent radicalement des principes qui gouvernent aux réformes actuellement en cours. On le voit par exemple avec au niveau local avec des textes sur les assemblées générales qui se développeraient en opposition selon des principes de démocratie directe, qui se développeraient en opposition à la démocratie représentative universitaire ou au paritarisme universitaire. On le voit aussi avec une contribution de Vincent Enrico sur une tentative de création d'université populaire c'est à la fin des années 2000. De la part d'étudiants à Limoges, donc il revient là-dessus, sur cette tentative. À un niveau plus général, les organisations étudiantes se sont souvent mobilisées pour promouvoir une ouverture réelle de l'enseignement supérieur, une véritable démocratisation, ou alors, sous un autre aspect, sous un aspect plus financier, intégrer les étudiants au sein de la sécurité sociale ou alors défendre le principe d'un salaire étudiant, vraiment d'un salaire versé à tous les étudiants au nom du fait qu'ils sont d'une certaine manière des travailleurs comme les autres. Voilà pour peut-être le propos introductif. Deux autres choses quand même que je rajoute sur cet ouvrage avant d'en venir peut-être un peu plus au fond. Les grandes questions de cet ouvrage, c'était un petit peu de voir sur ces positions comment elles avaient évolué historiquement, de voir un petit peu dans quelles circonstances historiques, sociales, elles avaient pu prendre forme dans cette affaire. Deuxième des trois choses que je dois dire à propos de ces questions sur l'ouvrage, l'idée évidemment c'est pas de, vous l'avez compris, c'est pas forcément de juger ces prises de position des étudiants, mais davantage de les expliquer, de voir quelle trajectoire a conduit certaines organisations à défendre telle ou telle proposition, quel référentiel ont été, quelles idées ont été mobilisées par les groupes étudiants pour défendre ces propositions, et puis s'intéresser évidemment aux milieux sociaux desquels sont issus les étudiants les plus mobilisés. Ça aussi, ça fait partie des choses dont traite cet ouvrage. Et puis, troisième grande question, je l'ai un petit peu évoqué, mais montrer à quel point les organisations étudiantes, les étudiants, en se mobilisant, sont capables d'avoir une influence réelle sur les politiques publiques. C'est peut-être une évidence pour vous à ce stade, mais cet ouvrage vous montre ça aussi d'une certaine manière de façon argumentée. Les mobilisations peuvent changer vraiment la donne sur le plan des politiques publiques. Deuxième dernière chose donc sur l'ouvrage en tant que tel et son titre, on s'est saisi un petit peu de cette catégorie d'autonomie parce qu'on y voyait un mot, une occasion, un discours qui était propice à faire état un petit peu de tout ce que je vous ai dit là auparavant sur les différents types de positions soutenues par les organisations étudiantes et puis la façon dont ça pouvait aussi bouger à travers le temps, avoir une influence. Typiquement, bon voilà, ça, je pense que ça fait, c'est le genre de catégorie qui a pas mal d'écho dans la présentation du séminaire. Vous parlez d'innovation, de flexibilité, d'employabilité, il y a la qualité aussi. Enfin voilà, ça, là, c'est mots qui circulent énormément, qui ont énormément d'audience et qui ont eu un écho aussi dans le milieu étudiant, qui ont pas mal circulé aussi au sein d'autres organisations. L'autonomie étudiante, c'est quand même un thème qui circule et qui peut avoir aussi une origine dans les politiques publiques, qui peut aussi être approprié au sein des politiques publiques. Voilà une catégorie qui est aussi instable, qui évolue à travers le temps, peut-être aussi parce que justement elle est polysémique, elle veut dire plein de choses et en même temps elle a tendance à fédérer par moments certains groupes sociaux autour des idées auxquelles elle est associée. Et donc voilà, on s'est saisi un peu de cette occasion pour montrer comment les mouvements étudiants pouvaient se saisir de cette catégorie, pouvaient aussi s'en distancier, pouvaient s'y opposer ouvertement dans certaines circonstances, et puis aussi par moments affirmer de façon plus autonome peut-être d'autres catégories qui leur paraissaient plus susceptibles d'énoncer leurs revendications, leurs aspirations communes. Je passe donc sur la présentation de l'ouvrage pour revenir peut-être au fond de ce qui pour vous donner l'idée du fond de ce qui peut y être dit, en revenant peut-être sur deux contributions qui ne sont pas les miennes, hein, donc c'est toujours un exercice un peu difficile, mais je vais tâcher d'être à la hauteur de ces excellentes contributions, mais voyez surtout ça comme une invitation à les lire plutôt que comme une représentation fidèle de ce qui peut y être raconté. Moi, à titre personnel, je trouve que ces deux illustrations, ces deux contributions, elles sont plutôt intéressantes par rapport à ce qui a été dit auparavant et ce qu'on peut et ce sur quoi on réfléchit aujourd'hui. Peut-être parce que la première des deux contributions, donc je vais y revenir, je la prendrai dans le détail, au fond elle revient sur une mobilisation étudiante récente des mobilisations étudiantes récentes contre le CPE, la LRU, la réforme des retraites, des mobilisations plus ou moins réussies, en revenant sur la pratique des assemblées générales par les étudiants, et donc en nous montrant un petit peu de quelle manière ces assemblées générales peuvent constituer un ressort des mobilisations contre les réformes mises en place. Et puis la deuxième contribution, c'est une contribution sur ce que l'auteur appelle la carrière d'une revendication spécifiquement étudiante, peut-être celle qui a eu le plus d'audience à travers l'histoire, à savoir cette revendication de l'allocation d'autonomie, l'allocation d'études, donc ce revenu qui serait reversé aux étudiants, et revient donc sur cette carrière et la façon dont elle évolue à travers le monde. Donc première de ces contributions sur les assemblées générales étudiantes, c'est une contribution de Julie Lemazier, qui est politiste. Hein, cet ouvrage, je ne l'ai pas dit, bon, il réunit des politistes, des historiens, des sociologues. Hein, de ce point de vue, il y a des approches assez différentes. Mais bon, là, Julie est politiste et donc elle revient dans cette contribution sur la pratique des assemblées générales. Les assemblées générales, bon, voilà, c'est quand même quelque chose que... C'est quand même quelque chose qu'on a tendance aussi à... On pense le connaître, le connaître suffisamment. On y voit souvent le lieu de prédilection des leaders étudiants qui ont tendance à monopoliser ces réunions pour proposer des discours enflammés, etc. Donc il y a pas mal d'images autour de ces assemblées générales étudiantes. Et Julie Lemazier, je trouve qu'elle a le mérite de prendre peut-être un petit peu plus au sérieux ces réunions, et notamment les mots d'ordre qui sont donnés pour justifier l'organisation de ces réunions, à savoir que cette pratique, ces assemblées générales, sont, en tout cas à l'époque où Julie Lemazier les étudie, sont quand même présentées, ont tendance à être présentées comme des lieux démocratiques où on encourage la prise de parole de tous et de toutes, où on encourage la mobilisation des personnes, l'action collective, etc. Et donc Julie Lemazet a le mérite d'essayer de prendre un petit peu au sérieux ces mots d'ordre, et à partir d'un gros travail d'observation et d'entretien, de nous montrer comment les assemblées générales sont, mine de rien, des lieux qui réussissent, en tout cas pour les mouvements auxquels qu'elle étudie, réussissent plutôt bien, mine de rien, dans leur objectif de mobiliser les personnes. Enfin, elle montre aussi les limites de tout ça, hein, je vais y revenir. Mais peut-être d'abord vous présenter ce qu'elle dit, avant d'en venir peut-être à des... parce qu'elle mérite ensuite de revenir sur de reconstituer la trajectoire de certains individus, certaines personnes dans leur engagement, dans leur implication, dans la mobilisation. Mais peut-être vous présenter avant ça ce qu'elle raconte un petit peu sur ces assemblées générales en tant que telles. Peut-être sur les assemblées générales, au fond, elle dit quatre choses qui sont pas, là encore, qui sont pas si souvent dites que cela, notamment dans ces mouvements de 2006 à 2010. Elle a constaté qu'on avait première des quatre choses, peut-être là-dessus, des réunions qui étaient organisées d'une manière telles qu'elles, premièrement, qu'elles encourageaient, encore ça je l'ai un petit peu dit, toutes les personnes à participer, à prendre la parole, à s'engager dans les actions. L'autre chose qu'elle a remarquée, la deuxième chose, c'est que ces réunions étaient organisées aussi pour favoriser une certaine autonomie, indépendance vis-à-vis des organisations politiques plus instituées, des syndicats, vis-à-vis aussi des enseignants-chercheurs. Et donc elle montre de quelle manière tout ça s'organise, et elle insiste notamment sur les règles très prescrites. Ça, c'est peut-être la troisième chose, des règles très prescrites qui organisent ces assemblées générales, avec le minutage des temps de parole, la rotation des prises de parole, etc. Tout un ensemble de techniques qui ont été mobilisées dans ces assemblées générales pour garantir que les conditions étaient réunies pour que les personnes s'engagent, et puis encore une fois pour qu'elles le fassent indépendamment des organisations politiques les plus instituées. Bon, et puis la quatrième chose qu'elle dit sur ces assemblées générales, c'est que, mine de rien, ça trouve quand même ses limites. Elle s'appuie sur le travail de Lilian Mathieu, il me semble, pour dire qu'on constate dans ces assemblées générales qu'on a ce que Lilian Mathieu appelle, elle aussi, donc des virtuoses, mine de rien, de ces réunions, et puis des novices qui ont tendance à regarder les choses avec beaucoup plus de distance et à ne pas forcément prendre la parole, notamment, telle que le font certains étudiants. Au final, elle constate que ceux qui prennent la parole, ceux qui sont les plus impliqués dans l'organisation des assemblées générales, mine de rien, présentent trois caractéristiques. Ce sont les personnes qui maîtrisent le plus ces règles prescrites que j'ai évoquées tout à l'heure, pour qui ces règles sont les plus familières. Ce sont les étudiants qui sont quand même, mine de rien, les plus proches, voire qui sont dans les organisations politiques, les organisations syndicales instituées, qui ont tendance à être les plus impliqués. Et puis aussi, elle fait état du fait que ce sont des étudiants qui ont quand même un certain niveau de capital culturel, ou alors qui ont tendance à suivre certaines études et à être dans certaines disciplines. Tout ça, voilà peut-être les trois caractéristiques qui expliquent à ses yeux l'implication, le niveau, la nature de l'implication des personnes dans ces assemblées générales, et puis leur engagement dans tout ça. Je regarde, je suis discipliné. Je vais y arriver. Et tout ça, dans un deuxième temps, peut-être revenir sur la trajectoire de certaines personnes qui sont mobilisées dans cette affaire, et peut-être revenir sur la trajectoire de personnes qui sont capables à un moment de passer cette barrière de ce qu'elle appelle l'entre-soi militant qui s'est constitué, puisque bon, voilà, dans ces assemblées générales, à la fin, on a quand même un petit entre-soi qui, qui se crée un petit noyau dur qui constitue un véritable obstacle pour pas mal d'étudiants. Ça elle y revient, mais dans un deuxième temps, donc elle revient sur la trajectoire de notamment de deux étudiants qui finissent, mine de rien, par passer cet obstacle et par s'engager dans ces assemblées générales jusqu'à en devenir des quasi-virtuoses. La première trajectoire sur laquelle elle revient, c'est celle de Samy. Samy, bon, c'est un étudiant qui n'est à la base n'est pas impliqué dans les premières assemblées générales, dans les premières actions, alors qu'au fond, il présente certaines dispositions qui pourraient expliquer son engagement. Il a des parents qui sont cartés, comme on dit. Il fait des études de théâtre, hein, qui le destine, ce que nous dit Julien Lemazière, à cette sorte de comédie que constituent un petit peu les assemblées générales. Mais bon, dans un deuxième temps, Samy finit par s'engager dans la pratique du blocage, où il se sent plus à même de participer. Et puis dans ce cadre se crée un certain nombre de relations d'interconnaissance, voire d'amitié, d'affinité avec des étudiants qui font partie de ce noyau dur des assemblées générales, de ceux qui prennent la parole, etc., et qui vont finir par le pousser à prendre justement la parole en assemblée générale, et donc à s'intégrer à ce noyau dur. Deuxième parcours intéressant sur lequel elle revient, qui lui correspond un tout petit peu, c'est celui d'Aurore. Aurore, c'est donc une étudiante qui est déjà impliquée dans les assemblées générales, dans le sens où elle y va, elle y participe, etc., sans prendre la parole. Elle a des parents, elle a des parents syndiqués, hein, elle est dans une licence de lettres, et puis elle prépare au concours des grandes écoles, et notamment à ses oraux, donc encore une fois qu'il a... peut-être la prédispose, hein, à intervenir dans les assemblées générales, mais bon, mine de rien, il y a toujours cette barrière de l'entre-soi militant, et puis cette barrière du sexe aussi, sur lequel revient assez, de façon assez aboutie Julie, et cette idée que, cette frontière que constitue cette dynamique de prise de parole pour certaines femmes. Et il n'empêche que Aurore, au bout d'un certain temps, finit par prendre la parole. Alors c'est à la suite, elle s'implique énormément dans la décoration, dans un premier temps dans la décoration des locaux, et puis dans toutes les actions, où là elle aussi, elle prend... un peu plus confiance en elle, et puis à la fin, elle profite d'un désaccord politique justement entre ses militants cartés pour prendre une place centrale dans l'organisation des assemblées générales, et elle aussi devenir l'un de ses moteurs. Donc voilà pour cette contribution qui, je trouve, a le mérite de montrer un petit peu en quoi les assemblées générales peuvent constituer un ressort efficace de la mobilisation des personnes, et en même temps présenter certaines limites dans le cadre des mouvements contre les personnes. Je reviens là sur la deuxième contribution, là, celle d'Emmanuel Porte, donc sur cette carrière de la revendication d'allocation d'autonomie au sein des syndicats étudiants, et notamment sur le passage en 2001 de la revendication historique de l'après-guerre de l'allocation d'études à changement de terme, l'allocation d'autonomie. Emmanuel Porte nous montre que ça s'inscrit là aussi dans une trajectoire. Peut-être là aussi dire encore une fois que c'est une revendication qu'on croit connaître. Hein. On la réduit souvent à sa dimension technique, à sa dimension fonctionnelle. On la présente comme donc une critique des mouvements étudiants, une critique des bourses, de l'emploi étudiant, une critique très, très fonctionnelle, et puis la volonté de donner les moyens aux étudiants et aux jeunes en général de décohabiter. En fait, Emmanuel Porte nous montre, à partir d'un gros travail d'archives, que c'est au fond beaucoup plus riche de trois points de vue, cette revendication. La première des trois choses qu'il nous dit là-dessus, c'est que, pour reprendre ces termes, la revendication d'allocation d'autonomie relève d'un mouvement historique complexe dans le sens où systématiquement, cette revendication, à chaque moment où elle est élaborée, elle est transformée par les organisations étudiantes, il y a trois choses qui ressortent énormément. On sent l'influence de trois choses. Premièrement, c'est les enjeux de définition du groupe par rapport au reste de la jeunesse et puis par rapport au reste de la société. Il y a le souci des étudiants de se définir dans la société, de se positionner. On sent aussi à chaque moment historique que cette revendication telle qu'elle est présentée est le fruit de compromis, des compromis de deux ordres, des compromis internes aux organisations étudiantes avec des courants qui s'affrontent au sein des organisations étudiantes. On voit rarement souvent derrière les revendications formulées tous les conflits qu'il y a derrière, les compromis éventuels qu'il peut y avoir entre plusieurs courants, des fois aux idéologies largement assez éloignées quand même. Et puis des compromis aussi externes. On voit mal des organisations extérieures au mouvement étudiant ont eu une influence sur le façonnement des revendications, le choix des termes, le choix des argumentaires, notamment les organisations syndicales, mais aussi les partis politiques. Et puis aussi les différents services de l'État, les groupes gravitant autour de l'État. Et puis, troisième complexité, c'est que, voilà, je l'ai un peu dit, ces revendications engagent ce que Emmanuel Porte appelle des processus symboliques, c'est-à-dire, à mon sens, des idées générales sur l'enseignement supérieur, sur la jeunesse, sur la démocratie, le travail. Tout ça pour dire qu'au fond, là, avec ce premier point, Emmanuel Porte nous montre que la sécurisation du revenu des étudiants, en fait, est le support d'une levée de différentes contraintes qui sont vécues par les étudiants et qui sont définies in fine par les étudiants eux-mêmes, des contraintes qui sont définies d'une manière qui ne reste pas moins dépendante du contexte historique et puis relationnel dans lequel évoluent ces étudiants. De façon peut-être plus précise sur le fond de la revendication, le deuxième élément d'analyse que fournit Emmanuel Porte dans sa contribution, c'est qu'il nous montre que l'allocation d'autonomie, elle s'inscrit dans ce qu'il appelle quatre horizons différents de reconnaissance, de définition, de représentation du groupe étudiant à travers l'histoire. Le premier de ces quatre horizons, c'est un horizon de reconnaissance, de définition par le travail, avec des conflits systématiques, notamment entre ceux qui voient les études comme un travail, qui doit être rémunéré comme avec un salaire comme les autres activités rémunérées, et puis ceux qui ont tendance à le voir plutôt comme la préparation d'un travail futur, d'une préparation, les études comme une préparation à l'emploi, et donc l'idée derrière que les étudiants n'ont pas le droit, ne seraient pas légitimes à recevoir des subventions non remboursables, et donc plutôt des subventions remboursables, que les étudiants rembourseraient une fois qu'ils occuperaient vraiment un emploi, et donc toute une légitimation des prêts qui peut aller derrière. Le deuxième horizon de reconnaissance, c'est un horizon de reconnaissance par l'accès à la formation, ce qu'Emmanuel Porte appelle l'accès à la formation. La démocratisation à travers l'histoire, les mouvements étudiants ont été soucieux, à travers cette revendication financière, en fait, d'encourager une ouverture réelle de l'enseignement supérieur, un accès plus large de l'enseignement supérieur, notamment aux étudiants issus des milieux les moins favorisés, et donc une volonté de remettre en cause les inégalités d'accès qui touchent l'enseignement supérieur. Le troisième horizon de reconnaissance, c'est ce qu'il appelle un horizon de reconnaissance des étudiants par la formation, et notamment par l'éducation permanente. Ça, c'est quelque chose qui monte dans les années 70, dans certaines couches du mouvement étudiant, avec cette idée que tout au long de la vie, toute entreprise de formation est au fond un travail productif, comme un autre, qui mériterait à ce titre un salaire, non pas que les études sont un travail comme les autres, mais c'est plutôt l'idée que les études sont une formation et que les sont à ce titre un travail productif qui mérite lui aussi rémunération. Et enfin, le dernier horizon de reconnaissance, c'est un horizon de reconnaissance, de définition du groupe par l'insertion dans l'emploi. Alors c'est un horizon de reconnaissance c'est l'horizon de reconnaissance qui est le plus récent, hein, à partir des années 80, mais surtout à partir des années 90, voire 2000. Vous avez des couches du mouvement étudiant, des parties du mouvement étudiant qui commencent à défendre l'idée que les études sont, entre autres, une préparation à l'emploi. Et donc cette préparation à l'emploi légitimerait une certaine forme que la revendication d'allocation l'allocation d'autonomie prenne une forme remboursable et donc prenne la forme de prêt. Par exemple, la Confédération étudiante aujourd'hui défend une allocation d'autonomie remboursable au nom notamment de l'idée que les études sont une préparation à l'emploi. Donc c'est ça, tout ça, c'est ce deuxième élément d'analyse intéressant de la contribution d'Emmanuel Porte, je trouve, c'est qu'il montre à quel point toutes ces idées sont riches et en même temps sont susceptibles de provoquer, ont provoqué le fractionnement des organisations étudiantes qu'on connaît aujourd'hui. C'est la grande UNEF, telle qu'on l'appelait dans les années 60, ça a commencé à s'effilocher dans les années 70, ça a commencé à se fractionner, et puis aujourd'hui on a énormément d'organisations étudiantes qui ont chacun leurs revendications en matière d'allocation d'études. Peut-être le troisième élément d'analyse d'Emmanuel Porte, ce sera plus rapide, ouais, non, ce sera plus rapide, et puis je conclurai, parce que tu es juste. Pour dire que voilà, la fin de sa contribution, c'est pour revenir expliquer vraiment dans le détail comment l'UNEF en est arrivé au tournant des années 2000 à défendre non plus l'allocation d'études mais l'allocation d'autonomie. Il l'explique par deux choses: le contexte renouvelé dans les années 80 et puis dans les années 90, ça a renouvelé par l'agenda public avec donc chômage de masse, massification, allongement des études, construction des premières politiques de jeunesse, aussi de plus en plus d'organisations extérieures au monde étudiant qui se saisissent de cette question. Et donc, c'est le premier élément d'explication à ce revirement revendicatif. Du reste, le deuxième élément, c'est aussi que dans les années, c'est quelque chose de plus interne à l'UNEF, il y a vraiment l'idée que les études deviennent autre chose qu'un travail à rémunérer, notamment autre chose qu'une formation. Qui mériterait d'être rémunéré. Il y a vraiment une nouvelle définition qui intègre la question de l'autonomie. Et donc les étudiants se sont saisis de cette catégorie de l'autonomie telle qu'elle était présentée dans les politiques publiques dans les années 80 à 90 pour défendre une nouvelle conception des études qui serait plutôt pour le définir dans toute sa richesse et sa complexité. Donc les études, ce serait un parcours de formation, mais aussi de décohabitation et puis de construction du foyer, d'un nouveau foyer, qui serait choisi ou non par le jeune adulte en études. Donc voilà ce qui aujourd'hui fonderait une allocation d'autonomie pour les étudiants, mais aussi pour l'ensemble de la jeunesse, puisque l'UNEF a souhaité à partir de ce moment-là parler pour l'ensemble de la jeunesse. Voilà pour cette contribution. Je trouve qu'on voit bien à quel point les étudiants ne sont pas imperméables à ce qui se passe, aux réformes en cours, mais on voit bien aussi en même temps, notamment avec cette la trajectoire, cette revendication, qu'il résiste relativement bien et il continue d'essayer de renouveler, de maintenir les références antérieures qu'ils ont pu mobiliser dans le passé, notamment pour continuer de défendre l'idée que les étudiants sont des travailleurs et aussi qu'ils méritent, enfin qu'ils ont droit aux mêmes prestations que les autres études. En gros, voilà, en somme, c'était peut-être des pistes pour comprendre un petit peu comment les étudiants se mobilisaient, revendiquaient. Je pense que c'est pas sans enjeu pour d'autres collectifs dans l'enseignement supérieur qui voudraient aussi inévitablement mobiliser, revendiquer eux aussi. On voit bien à quel point les mobilisations étudiantes disposent de techniques, de pratiques qui ont une certaine efficacité. Et puis on voit bien aussi qu'à certains moments, dans certaines circonstances, certaines parties des mouvements, des mobilisations peuvent affirmer des nouvelles catégories, d'autres propositions de réforme relativement riches, ou en même temps aussi éventuellement se soutenir les réformes en cours, encore une fois, dans certaines circonstances. Et ça aussi, encore une fois, je pense que c'est riche pour d'autres collectifs qui voudraient se mobiliser. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Vous donnez la parole tout de suite pour la discussion aussi. Elle va faire court, je suis désolé. Bah, écoutez, je vais faire aussi court possible. Voilà. Je veux d'abord dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ce livre, que j'ai appris beaucoup de choses et que. Enfin, ça couvre plein de. Il y a plein d'entrées qui sont bien, bien intéressantes. Alors, voilà, votre projet couvre le problème de l'autonomie des étudiants, je dirais, depuis les années 1920 jusqu'à la loi LRU. Donc, on passe du problème de l'autonomie par rapport à la famille, de l'autonomie par rapport, disons, du problème que pose l'organisation des œuvres pour les étudiants, le problème de l'organisation de la santé autour des sanatoriums, et donc la manière dont les étudiants n'ont pas de liberté spéciale pour dire comment ils voudraient être soignés, ou des choses comme ça. Bon. Alors après, on passe à l'histoire, enfin disons, ça ce sont des problèmes assez corporatifs, mais qu'il faut quand même progresser, le logement des étudiants, l'accès à la santé, la mutuelle des étudiants qui permet d'avoir accès à la sécurité sociale, tout ça, des problèmes assez pratiques. Bon, on passe après par la revendication d'une autonomie pédagogique au moment de 68, puis on passe à des problèmes généraux que vous avez exposés sur les différents problèmes, et donc le problème du salaire étudiant ou de l'allocation d'études qui sont effectivement très importants dans une situation, dans une société où la précarisation est extrême. Alors dans ce volume tout à fait passionnant, il m'a semblé que d'abord ce problème d'autonomie était présenté dans une catégorie de temps qui était plutôt l'éternité, en quelque sorte. C'est-à-dire que comme si rien ne changeait vraiment dans les éléments fondamentaux de ce questionnement ou de cette revendication. Or, le système d'enseignement a changé radicalement entre 1920 et nos jours. Entre 1920 et 1950, disons, il y a 100 000 étudiants. En 1950, il y en a 120 000. Actuellement, il y en a plus de 2 millions. Ça, c'est déjà un élément considérable. Et ce passage à 2 millions s'est fait dans des conditions de non-réflexion de la part des autorités responsables qui étaient assez considérables. Bon, ça, c'est un point. Et alors, par ailleurs, il y a quelque chose qui manque, c'est quand même le lieu où l'autonomie doit s'exercer, c'est-à-dire l'université elle-même, hein, ce lieu où on va être formé. On fait des choix pour. Bon, et puis, on veut acquérir une formation, on veut s'engager dans ses responsabilités de citoyen en passant par ce lieu où, en principe, du moins jusqu'au. L'idée, c'est quand même de former par le développement de la connaissance, par la capacité d'analyse, et donc par des entrées de connaissances, de recherches. Ce sont des choses qui sont, dans l'université française, toujours un peu compliquées à définir. Et là, je reviendrai sur ce qu'a dit votre collègue sur l'histoire de l'université, qui est une histoire quand même un tout petit peu plus étrange que ce que vous avez présenté. Et notamment du fait qu'il y a une grande différence. Il y a l'université napoléonienne qui est créée en 1808 est faite parce qu'il n'y a plus d'université, qu'à la Révolution, on n'a pas su comment on n'a pas su se mettre d'accord sur un établissement qui ne mettrait pas en danger l'ordre public. Et par ailleurs, il y avait les écoles spéciales, les écoles de haut enseignement supérieur, en fait de haut enseignement scientifique, qui ont été extraordinairement dotées en nombre de professeurs, en capacité de recherche, et où s'est développée d'ailleurs une pensée critique très élaborée, dont l'école mathématique française est peut-être un des éléments. Je passe sur les détails. Mais la différence entre les grandes écoles et les universités est une chose considérable. Et les universités au XIXe siècle, elles étaient faites pour reconnaître les profs de lycée qui formaient les enfants fonctionnaires à entrer dans les grandes écoles. Et c'était les grandes écoles et les universités, c'était des lieux quand même où on apprenait à devenir professeur. C'était des lieux de formation professionnelle. Et le grand problème des universités françaises, c'est d'avoir, contrairement à toutes les réformes qui ont été faites au XIXe siècle dans d'autres pays d'Europe, c'est d'être des lieux d'enseignement et de recherche et pas seulement de formation professionnelle. Et constamment, il y a eu des conflits avec le monde de l'entreprise et le monde des universités sur qu'est-ce que c'est qu'une université véritable. Et quand on a refusé l'autonomie aux universités en 1890 sous la Troisième République, qui l'a refusé? C'est les députés qui étaient des entrepreneurs et qui ne considéraient que les grandes écoles étaient là pour former les gens dont ils avaient besoin, que la formation sur le tas, ça suffisait bien, et que donc les universités, elles étaient priées de former des profs et puis point, c'est tout. Enfin, je dis ça à grosso modo. Il faut mettre des nuances, mais... Il y a eu beaucoup de difficultés à associer enseignement et recherche. Bon, et puis alors après, ce système reposait sur le fait qu'il y avait un système dual, l'enseignement primaire d'un côté, l'enseignement secondaire et supérieur de l'autre, que je ne vais pas insister trop là-dessus, mais il y a une histoire difficile de l'université française, et souvent il est assez difficile de présenter l'activité qui se fait dans l'université comme une relation forte entre des étudiants, des enseignants et des sujets de recherche, des questions, des éléments qui forment l'autonomie de la personne même, de l'étudiant et du professeur d'ailleurs, et qui en quelque sorte forme aussi à l'exercice d'une citoyenneté d'un type qui correspond à l'autonomie. Ce problème d'absence de définition de l'université, un acteur principal, quand même, m'a un peu troublé. Mais ceci étant, il aurait fallu quadrupler le volume, et ce que j'ai eu là est passionné. Merci beaucoup. Peut-être une réaction rapidement, puis comme ça. Je me retrouve tout à fait dans ce qui est dit. On a notamment sur la nécessité de prendre en compte le contexte historique, la pluralité, je dirais, de référentiels, d'idées qui traversent l'enseignement supérieur. Parce que moi, j'aurais tendance à dire l'enseignement supérieur en général, et puis à faire état un petit peu de tout ça, de toutes ces tensions, ces contradictions qui traversent l'enseignement supérieur en général, et qui explique pourquoi certaines propositions, certaines mobilisations se maintiennent à travers le temps et puis évoluent. Et vous savez, dans les grandes écoles, les élèves officiers de l'école polytechnique étaient payés. Ils le sont toujours, mais leur salaire est plus ou moins contesté parce qu'ils n'entrent pas dans la fonction publique après. Oui. Maintenant qu'il y a eu une grande. L'idée s'est prise de former des traders à la polytechnique, il est du moins nécessaire de considérer qu'ils ont un salaire. Mais juste là-dessus, c'est vrai qu'on manque des données quand même sur ce qui se passe dans l'autre enseignement supérieur, et aussi au niveau des étudiants, et éventuellement des corporations, des associations qui fondent. pense qu'il y a des idées politiques à travers tout ça. Oui, peut-être. Et les collabs supérieurs n'étaient pas payés avant guerre, ils le sont devenus après. Oui, merci beaucoup. Comme il